via ticketpro.ca ou evenco.ca. Ne manquez pas Rise Against le 1er octobre au Sepsum, une présentation de Evenco Greenland et CISM. Ce dimanche, le 3 juillet, dans le cadre des 20 ans de CISM, tu es invité à venir nous rejoindre au parc Jean-Drapeau pour la journée CISM du pique-nique électronique. Sur scène toute la journée, les artistes canadiens Alex, Wally, Dialect et plusieurs autres. Trouve notre tente CISM et cours la chance de gagner un T-shirt édition limitée 20 ans. CISM au pique-nique électronique, ce dimanche 3 juillet. Tous les mardis, l'Abreuvoir présente les soirées Rock Avenue. Venez danser avec Bill Haley, Gene Vinson, Cal Perkins, Jerry Lee Lewis et le King lui-même, Elvis Presley. Pour vous aider à suivre leur pas, des cours de Rockabilly Jive vous sont offerts gratuitement par les danseurs professionnels de l'école Rock Avenue. Les mardis Rock Avenue, c'est à l'Abreuvoir que ça se passe, au 403 Ontario West. Evenco, Greenland Productions et CISM présentent Two Door Cinema Club avec Bombay Bicycle Club et The Lonely Forest le 16 septembre au Club Soda. Billets en vente maintenant à la billetterie du Club Soda par téléphone au 514-286-1010 ou achetez-les en ligne via evenco.ca. Un furieux mélange d'électropop et d'indie rock. Two Door Cinema Club, un spectacle à ne pas manquer le 16 septembre au Club Soda. Écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-François. Vous écoutez l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM 89.3. Ce soir, au menu de l'émission, il va y avoir de l'indie rock italien, mais aussi des trucs récents de The Sunshine Factory et The Cab for Cutie. En introduction d'émission, on entendait Hani El-Khatib avec I Got a Thing. El-Khatib est originaire de la Palestine et est également d'origine philippino, mais a grandi en Californie. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir encore, mais il semble que la chanson « I Got a Thing » a été utilisée comme campagne dans la campagne publicitaire de Nike aux États-Unis. C'est à voir sur YouTube, j'imagine. Sinon, Hani El-Khatib devrait sortir un premier album appelé « Will the Guns Come Out » très bientôt, sur lequel il s'occupe de tous les instruments. Vous direz que ça s'entend sur la chanson, ben vous avez raison. L'émission est en direct, alors n'hésitez pas à m'appeler en studio pendant les segments musicaux au 514-343-CISM-343-2476. On va maintenant entendre Wolves at the Door, un extrait du dernier album de David Bazan, l'ancien leader de Pedro the Lion, qui est sorti en mai dernier. Son premier album solo, Curse Your Branches, tournait pas mal autour de la remise en question de sa spiritualité. Lui, c'est un gars d'un pasteur, un fils de pasteur. Son deuxième album, Strange Negotiations, traite maintenant surtout de la vie après la mort, un sujet encore pas très joyeux. Mais la chanson qu'on va entendre, Wolves at the Door, rock quand même un petit peu. Alors voici David Bazan sur les ondes de CISM 89.3. Donner la parole au cerveau mollasse. de rester à l'école. Les imbéciles, c'est dangereux. La défunte formation des Laurentides, Les Morts, désolé le jeu de mots, avec Got Cuir qu'on peut retrouver sur leur unique album paru en 1999 du rock pour Satan. Juste avant, c'était Xavier Caféine avec Les Imbéciles. Les deux prochains groupes que vous allez entendre viennent d'Italie et chantent en italien. Ça va être quand même être intéressant dans les prochains mois de surveiller la production musicale en Italie parce qu'on entend beaucoup parler de la Grèce ces temps-ci avec les problèmes économiques, les manifestations, mais en Italie, ça va pas tellement mieux non plus. Alors, donc, le premier groupe qu'on va entendre est de la capitale Roma et existe depuis le début des années 1990. Le dernier album de Madame Lingerie est sorti l'année passée. Il s'appelle D'Amore, Soldi et Vendetta, Amour, Argent et Vengeance. Mais tout d'abord, Myriam et Siberia sont de la région de Napoli, dans le sud du pays. Si vous aimez leur premier album Il Sueno del Fon, le bruit de la sécheuse, est disponible gratuitement sur Bandcamp. C'est quand même drôle de constater que les deux groupes qu'on va entendre chantent en italien, mais leur nom de groupe est en français et en anglais. Alors, voici la chanson d'Estate d'Ottobre, ou plutôt L'été en octobre de Myriam in Siberia. Jusqu'à 20h, vous écoutez l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM 89.3. important pour nous. S'il vous plaît, gardez la ligne. Les ondes de CSM 89.3, c'était Elefantine avec En attente d'un moment présent. Avant ça, vous entendiez deux groupes italiens, Myriam in Siberia et Madame Lingerie. On retourne tout de suite en musique avec Loski et une chanson qui se retrouve sur son premier album paru en 2006, Chanson moderne pour cynique romantique. Voici Zombie à l'émission Le Terminus. lifeless.com. OneEgg.room. We'll be right back. you, you know what I want to do. Question is, what do you want to do? Pif Paf Hangover de Saint-Jérôme dans les Laurentides avec Cook You Breakfast qui se retrouve sur un EP qu'ils ont lancé en février dernier et qui donne dans une espèce de pop électro-rock assez dansant comme vous avez pu l'entendre. Juste avant, c'était les Américains de Sunshine Factory avec Domino tiré de leur deuxième album Sugar qui vient tout juste d'être lancé sur Bandcamp. On va maintenant entendre le dernier Dead Cab for Cutie, Codes and Keys, qui a finalement fait son entrée cette semaine en 24e position du palmarès album de CISM. Your Heart Tourist a déjà pas mal tourné à la radio, alors j'ai plutôt choisi une chanson qui ne s'écarte vraiment pas du son quand même du groupe de Ben Gibbard. Alors sur CISM 89.3, voici Monday Morning de Dead Cab for Cutie. Thank you. du pain sur la planche, mais on y fait plus attention. Et comme c'est l'heure de la revanche, on se sent comme des vieux croutons. Là-bas, il y a des gens qui disent qu'on est libre. Alors ils rêvent de nous rejoindre. Ils s'imaginent qu'un jour aussi ça leur arrive de marcher dans les rues sans crainte. Et comme personne vient les aider, parce que là-bas c'est tellement loin, la moutarde commence à monter et ça leur fait serrer les poings. Et pour qu'on sache qu'ils sont vivants, ils ramassent des pierres et les jettent dans la figure de l'Occident. Il faut toujours viser la tête. Je crois pas en Dieu même quand je suis raide, mais ma foi, je l'aime bien quand même. Je crois pas en moi, je suis bien trop faible, mais ma foi, je m'aime bien quand même. J'essaye un peu de faire comme vous, je fais de mon mieux pour rester debout. On essaye tous de tenir le coup, et on oublie ceux qui l'accusent. On n'est pas vraiment responsable, bah parce que nous on n'a rien fait, mais on se sent un peu coupable à la place des gros enculés. Qui se sentent pas visés, qui imaginent pas qu'on les arrête. Un jour ils vont se faire dégommer, car faut toujours viser la tête. Et ce jour-là ça sera la foire, et puis on l'aura bien cherché. On aura plus de pain sur la planche, parce que la planche aura brûlé. Faut pas jouer avec le feu, et bien faire gaffe à la fumée. Faut pas croire qu'on est plus malheureux que ceux qui vont nous défroquer. Là, ce sera la fête pour tous ceux qui n'ont jamais fait, et ils chanteront dans la défaite parce qu'ils auront touché la tête. Et ce jour-là, ça sera la fête pour tous ceux qui n'ont jamais fait, et ils chanteront dans la défaite parce qu'ils auront touché la tête. Sur CISM 89.3, c'était Mickey 3D avec « Il faut toujours viser la tête » de l'album Matador. Avant Mickey 3D, vous entendiez les Montréalais Wolf Parade avec « Nobody's Perfect » de leur dernier album Expo 86. On ne sait pas trop si le groupe est mort, mais Wolf Parade a annoncé l'automne passé qu'il passait en hiatus pour une période indéterminée. En attendant, le co-leader Dan Buchner vient de lancer avec sa blonde le deuxième album du disque, ou plutôt le contraire, le deuxième disque du projet Handsome Furs. Et ça semble très bien fonctionner pour eux jusqu'à maintenant. Ils étaient d'ailleurs en spectacle la semaine dernière, je ne me trompe pas, à Montréal. L'émission Le Terminus se tire déjà à sa fin. Pour cette semaine, vous retrouverez la liste des chansons diffusées ainsi que la balado sur le site de la station, le CISM893.ca. Visitez aussi le blog de l'émission, leterminus.ca. Étienne Champagne suit à l'instant avec son émission Rythmologie jusqu'à 22h. On se quitte avec un nouveau groupe de Montréal, Wind Up People, qui jouait en première partie de Annie L. Khatib, qu'on entendait en début d'émission au Club Lambi le 22 juin dernier. Le groupe se dit déchiré entre ses influences du passé comme le grunge et le shoegaze et des influences plus, disons, contemporaines. Malgré tout ça, ça sonne pas mal du tout. Voici une des quatre chansons que vous pouvez télécharger sur Internet qui s'appelle « All This Culture Is Killing Me » du groupe Wind Up People. Voilà, ici Jean-François, passez une très bonne semaine, à bientôt. Black Keys, le 11 juillet au Centre Bell. Avec invité Cage the Elephant. Billets en vente sur evenco.ca, à la billetterie du Centre Bell ou au 514-790-2525. Une présentation de Evenco et Live Nation. Bonjour, c'est Steffi Choc. Bon 20e anniversaire. Moi, je vous aime CISM pour trois raisons. Vous avez été les premiers à me faire jouer au début des années 90 sur des cassettes. En 95, à peu près, j'ai animé une émission qui s'appelait Le Scaphandre. C'était une émission sur la musique ska. J'aimais pas vraiment la musique ska, mais j'ai eu un immense plaisir à animer et à mettre en onde cette émission-là. Ça a été une très belle expérience. Et surtout, ça fait 20 ans que je découvre des artistes puis des chansons en vous écoutant. Alors merci CISM de nous faire connaître la musique nouvelle puis importante. À bientôt. Salut. Il me semble que tout va trop vite. Tout dépend des rumeurs qui s'ébruitent. BlackBerry présente Oceaga 2011 en collaboration avec Budweiser. Du 29 au 31 juillet au Parc Jean-Drapeau. En vedette, Eminem, Kid Cudi, avec Sam Roberts, Janelle Monáe et plus de 70 groupes, avec entre autres Elvis Costello and the Imposters, Runban 3000, Malajub, Death Cab for Cutie, Cypress Hill et beaucoup plus. Passe pour les trois jours du festival, présentement en vente. Pour la liste complète des artistes et pour acheter vos billets, visitez oceaga.com. Le Bistrot de Paris, c'est l'endroit où venir prendre un verre cet été. Au menu, les lundis hommage à Renault, les mardis DJ, les 5 à 7 chansonniers du vendredi, mais surtout, venez découvrir la scène musicale québécoise avec des prestations live tous les soirs du mercredi au samedi. Le Bistrot de Paris, l'endroit par excellence situé coin Saint-Denis-Mont-Royal pour déguster une grosse chope de Tremblay pour pas cher. Bistrot de Paris, 4536 Saint-Denis. Des vrais, des tops, des artisans, des experts dans leur domaine qui connaissent leur matière en profondeur et leur musique de fond en comble. Ce n'est pas pour rien que CISM est depuis 20 ans la radio de l'Université de Montréal. Et Pipip? Montréal, sa grande région. Je vous invite toutes deux chaque lundi matin de 7h à 9h à écouter mon émission à moi, complètement réalisée par moi, Martin Roussy, et j'ai nommé Le Manchot. Humour, humeur, opinion,